Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gamozo 107 FM. Et pour cette édition de ce soir, on va parler de développement local bien entendu. Et avant de dire bonjour à mon invité de ce soir, j'en profite pour dire bonjour aux Vosges et à l'Alsace qui nous écoutent comme tous les soirs. Donc merci d'être là si fidèlement et bienvenue pour cette nouvelle édition. Et comme je le disais, pour ce soir, on va parler développement local, agriculture et bergerie avec Aurélie Lepoutre de la Bergerie des Chalots. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Lou. Alors Aurélie, tu fais partie avec Christophe de la Bergerie des Chalots. D'après ce que j'ai compris quand j'ai préparé mon émission et d'après ce que tu m'as dit aussi au téléphone, vous n'êtes pas tout à fait, pas du métier à l'origine, hein. Vous n'avez pas de famille originaire de ce milieu-là et pourtant rien n'a empêché que vous vous lanciez dedans. Et comme c'est vous qui avez débuté cette activité, Christophe et toi, depuis combien de temps vous avez commencé à faire cette bergerie ? Alors, cette bergerie a commencé tout d'abord par Christophe Portelette qui était installé en individuel, un passionné de chiens qui a grandi, qui a rencontré beaucoup de monde, qui a fait beaucoup d'expériences, et puis qui tout à coup a rencontré un chien de berger, un border collie, a commencé à travailler, a eu beaucoup d'amour pour cette race, est tombé en amour pour les ovins, et a décidé au fil du temps de suivre des formations professionnelles, de partir en estive pour avoir des formations avec des bergers. Donc il est parti dans les estives aussi bien dans les Alpes qu'en Suisse. Et puis, il a donc pu profiter de ses expériences pour revenir dans ses Vosges, puisqu'il est natif des Vosges, et construire sa propre bergerie, qui était à bien avant, la bergerie des Trois Pouilloux. Christophe, qui d'ailleurs n'est pas présent avec nous ce soir, vu qu'il faut bien quelqu'un qui garde la bergerie. Donc, si tu nous écoutes, Christophe, bonsoir. On te passe le bonjour depuis Radio Gamozo. Et donc, c'est lui qui a vraiment tout commencé. Toi, c'est quand que tu t'es greffé sur le projet ? Alors, moi, c'est une histoire pareille d'amour de chien. Ma maman me disait toujours, le premier mot que tu as su dire, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est le nom du chien du voisin. Donc, il y avait déjà beaucoup d'amour pour les chiens. Et pareil, j'ai grandi avec une race de chiens de berger qui sont les Birdie Collie. Et j'ai toujours aimé et voulu apprendre et voir comment ces chiens se comportaient. Un jour, à l'âge de 25-28 ans, j'ai rencontré Christophe Portelette, qui faisait des animations dans les clubs canins pour faire découvrir ce que c'était qu'un chien de berger. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai rencontré un homme fantastique qui partageait les émotions, qui donnait envie, qui voulait transmettre sa passion et son métier. Et j'ai découvert encore un chien qui m'a émerveillée. Autre chose, autrement que dans le système des concours d'obéissance, d'agility ou des activités de loisirs qu'on peut rencontrer. Donc moi, j'ai commencé vraiment par l'amour du chien aussi. Et puis petit à petit, j'ai grandi autour de lui, je lui ai apporté des coups de main, je suis restée plus longtemps pour comprendre les brebis, faire des soins aux brebis, jusqu'au moment où, à 39 ans, j'ai décidé de faire une formation, un bac professionnel agricole. Et oui, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé, enfin toi et Christophe, vous avez un grand amour du chien, parce que non seulement vous avez une bergerie, donc forcément des chiens de berger pour garder les troupeaux, mais vous faites aussi, d'après ce que j'ai compris, de la formation pour troupeaux. On en reparlera bien entendu plus tard, ça fait partie des différents angles que j'aimerais aborder avec toi, vu que c'est comme ça que je suis tombée sur ta bergerie, tout simplement. Et oui, donc on n'a pas trop parlé du nom. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la bergerie des Chalots ? Tout simplement parce qu'on est installé au Girmont-Val d'Ajol et on est encore sur la route des Chalots. Et on est tombé en amour pour ces Chalots, hein, ces petits bâtiments qui étaient dans les corps de fer ou en bout de pâture et qui aidaient les anciens à protéger leurs biens ou leur récolte de foin. Et donc on a voulu garder cette tradition en l'appelant justement la bergerie des Chalots, tout en sachant qu'on fait partie de l'association de la route des Chalots. Ah non, ah bon, parce qu'il y a quelque chose de... S'il y a une association de la route des Chalots, c'est que ces Chalots sont un patrimoine en particulier qu'il faut protéger ? Qu'il faut protéger, qu'il faut déclarer et qu'on fait découvrir grâce à cette association qui recouvre aussi bien les Vosges que la Haute-Saône. Et donc les acteurs de la route des Chalots, c'est très intéressant parce qu'on a fait une carte touristique qui permet justement aux gens de découvrir divers endroits, aussi bien des musées que des gîtes, que des bergeries, ou bref. Et donc tout au long de ce parcours de plus de 70 km, les gens peuvent s'arrêter à divers endroits sur les acteurs de la route des Chalots. Et parmi ces endroits où on peut s'arrêter, il y a bien entendu la bergerie que tu gères avec Christophe, qui partage non seulement ta passion, mais aussi ta vie, comme je l'ai compris, à travers tes mots, plein d'émotions. Et donc oui, dans votre bergerie, donc forcément vous avez des moutons, que des brebis ou aussi des... Je crois que ça s'appelle des moutons, les mâles. Alors, tout simplement, la différence, le mouton, c'est le troupeau entier. Ça concerne aussi bien les béliers, les brebis, les agneaux, les agnelles, donc c'est un troupeau de moutons. Après, quand on parle d'individus, pour le mâle ça sera le bélier, pour une femelle ça sera la brebis, pour une toute petite, une jeune demoiselle qui n'a pas encore eu d'enfant, on va dire que c'est une primipare, et après vous avez les agneaux. Et donc vous, au sein de votre bergerie, vous avez plutôt des brebis, des agneaux, des béliers? Alors la particularité de notre élevage, c'est qu'on fait en sorte d'avoir des brebis en gestation toute l'année, ce qui va nous permettre d'avoir du lait sur toute l'année. Donc c'est une particularité, ça nous permet aussi d'accueillir les gens et de leur montrer que toute l'année on peut avoir des agneaux et ils peuvent participer justement lorsqu'ils viennent nous rendre visite le soir à 17h30. Ils peuvent participer à la traite, voir le bâtiment qui est un vieux bâtiment de 1632 dont on a gardé les origines et les techniques des anciens. Et en même temps ils peuvent participer et donner le biberon aux agneaux. Et souvent ça plaît énormément aux adultes autant qu'aux enfants. Ah, j'imagine, bien entendu. C'est vrai que tu m'avais dit aussi quelque chose sur la manière dont tu travailles, vu qu'on viendra après sur la production de la bergerie, bien entendu. Tu as dit que le bâtiment dans lequel vous procédez à la traite, si je ne me trompe pas, est un bâtiment quand même du 17e. Et non seulement vous avez gardé le bâtiment, mais si j'ai bien compris, vous avez conservé aussi les techniques de travail d'antan, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, au-dessus de notre bergerie, on a un plancher en bois où l'on stocke le foin. Et donc pour les nourrir en hiver, on a fait des trappes qui nous permettent de basculer le foin. Le foin permet également d'isoler les brebis et donc de garder la chaleur qu'elles ont pour l'hiver. Et ça, c'est une technique ancienne pour préserver les brebis du froid et avoir leur nourriture à proximité sans utiliser, je ne sais pas, des tracteurs à tout va, qui d'ailleurs fait beaucoup d'émissions de CO2. Voilà, donc nous, on n'a pas de tracteur, on est un peu bizarre, on n'a pas de tracteur. On travaille beaucoup dans le pastoralisme, dans l'éco-pâturage. On travaille beaucoup avec les communes comme la commune de Plombières-les-Bains et la Comcom aussi. Et donc, on travaille avec l'éco-pâturage pour garder l'ouverture du paysage ou pour remettre en place une ouverture du paysage. Tu as d'ailleurs parlé de pastoralisme. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le pastoralisme, c'est-à-dire qu'on laisse les bêtes pâturer nos prairies. Nos prairies sont riches en fleurs et on recherche justement ça. On n'est pas à travailler sur un rendement, sur un équilibre bien particulier où on va rechercher des plantes bien particulières. Nous, on recherche au contraire un équilibre, une biodiversité et on laisse faire la nature. Et nos bêtes sont dehors un maximum de temps dans l'année. Donc pour vulgariser, c'est pas vous qui faites la tonte, mais les moutons. Exactement, et c'est fantastique. On remarque que cette bergerie qu'on a achetée il y a peu de temps, les arbres fruitiers n'étaient plus en fleurs. Depuis qu'on a remis nos bêtes, cette année on a des magnifiques arbres fruitiers remplis avec des fruits bien sucrés et de bonne qualité. À quand peut-être la vente de fruits aussi au sein de la bergerie ? Tout à fait. Mais ce que tu dis aussi, ça m'interpelle pas mal parce que c'est, tu as réintroduit un certain équilibre dans l'écosystème et la nature a recommencé à suivre son cours comme il faut. En fait, ça montre aussi que oui, plus tu respectes la nature et plus elle est productive. Tout à fait. Moins on la maltraite par la mécanisation et plus elle va être généreuse avec nous. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a tout le système microbien qu'on ne voit pas et les champignons qu'on ne voit pas. Et ça, c'est grâce aux bêtes qui pâturent, qui vont piétiner, qui vont réensemencer par leur déjection et par l'alimentation qu'on va leur fournir. Leur apport en oligo-éléments, par exemple, ça va être rejeté aussi par les défécations. Donc, la nature va de nouveau s'enrichir. Ça veut dire qu'il y aura de nouveau des systèmes de champignons, de mycoses. Ça veut dire qu'il y aura de nouveau des insectes, ça veut dire qu'il y aura de nouveau des oiseaux. Depuis qu'on y est, on a de nouveau des hirondelles qui reviennent. Ah bah oui, donc voilà, c'est vrai que c'est littéralement un cercle vertueux, en tout cas au sein de ta bergerie. Tout à fait. Ta bergerie dans laquelle tu fais bien entendu du fromage et des charcuteries. Je ne sais pas si on va y venir juste après. Non, on va peut-être d'abord, comme tu l'as dit aussi, vous recevez aussi au sein de votre bergerie des gens, de toutes sortes de personnes de tous âges qui peuvent aussi participer un petit peu à la vie au sein de la bergerie. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un point sur la vie en bergerie après la pause musicale. Mais dis-moi, c'est déjà ces participations des personnes. Ça entre dans un cadre particulier, des ateliers avec des écoles, des ateliers découvertes avec l'Office du tourisme. Alors, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. Et on a travaillé aussi à la Semaine du Gouffre pour accueillir les écoles, notamment l'école primaire du Val d'Ajol. Donc ça nous permet de leur faire découvrir ce qu'est une bergerie, comment on travaille et aussi leur faire goûter. Souvent ils ont beaucoup d'appréhension sur les produits laitiers, donc le fait de leur faire goûter sans avoir d'adulte à côté, c'est une vraie libération, une vraie découverte pour eux. Et du coup par le biais des enfants, on leur donne en retour un tout petit fromage qu'ils rapportent à la maison de façon à faire goûter aux parents et les parents eux-mêmes sont surpris par un lait qui est au contraire très très doux et très onctueux. Et oui, donc c'est vrai que ta bergerie se situe au Girmont-Val d'Ajol et aussi tu montres à quel point en fait tu rayonnes loin, tu travailles loin. On fera aussi un point sur les partenariats bien entendu, mais tu travailles avec l'Office de tourisme de Luxeuil et aussi avec je ne sais plus quelle structure de plombière si je me trompe pas. Plombière-les-Bains, absolument. Donc voilà, c'est aussi dire à quel point tu rayonnes et peut-être ta bergerie aussi fait partie d'une certaine façon de la préservation du patrimoine et des traditions culturelles locales. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si on s'écoutait peut-être un premier morceau ? Avec plaisir. Alors, tu as proposé un morceau de Depeche Mode, un morceau que je connais très bien, interprété par Marilyn Manson, que j'aime beaucoup. S'il nous écoute, je lui fais un bisou. À mon avis, c'est pas possible. Mais c'est le morceau Personal Jesus qu'on va s'écouter tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Reach out, touch faith. You're wrong. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, je vous invite vivement à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gamozo. L'onglet est ouvert, vous inquiétez pas, et la ligne aussi. On sera ouverte hein, à vos réactions, vos questions ou à simplement vos petits coucous comme vous avez l'habitude. En attendant, je suis toujours avec Aurélie Lepoutre de la Bergerie des Chalots, qui nous disait hein, à quel point tu t'ancres, sans le vouloir, hein, dans un cercle vertueux, à laisser en fait tes moutons vivre leur vie et faire ce qu'ils ont à faire au sein de la nature, parce qu'après tout, ils savent ce qu'ils font, tant et si bien que des arbres qui ne donnaient plus de fruits ont fini par à nouveau retrouver une deuxième vie. Et on a parlé de plein de choses, mais des bases, bien entendu, hein, vu que tu fais une production de fromage, une production de consommable d'origine animale, on va dire. tu fais aussi de la formation de chien de berger. Mais s'il y a quelque chose, une chose sur laquelle je voulais peut-être qu'on revienne, ou même pas qu'on revienne, mais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est pas tous les jours quand même que j'ai des artisans agriculteurs à l'antenne. Et d'ailleurs, c'est même la... En fait, littéralement, t'es une bergère, non ? Je suis une bergère. D'accord, tu es la première bergère que j'ai à l'antenne. Et donc, on va peut-être pouvoir faire un petit point sur en fait comment c'est la vie à la bergerie, au niveau des soins, au niveau des normes, au niveau des maladies peut-être. En fait, comment ça se passe ton quotidien ? Est-ce que c'est à ce point le bonheur est dans le pré ? Non, c'est pas le bonheur est dans le pré. Après, nous sommes une bergerie en bio, donc on travaille beaucoup avec les plantes et l'aromathérapie. Et après, le meilleur des soins, c'est au quotidien, toujours être proche de ces bêtes de façon à pouvoir les voir, à pouvoir pallier tout de suite un manque et comprendre sa bête aussi, très très important. Le fait d'avoir un petit troupeau, ça nous permet vraiment de voir tout de suite une bête qui va s'isoler, une bête qui a un regard qui est un peu terne, et donc de pouvoir vraiment l'isoler et essayer de comprendre pourquoi elle ne va pas. Quand tu dis que tu as un petit troupeau, il est de quelle ampleur environ ? Alors actuellement, on a 70 brebis laitières et 25 brebis allaitantes. Donc ça fait presque 100 brebis, voilà. Ce qui n'est pas négligeable, mais j'imagine sans compter les agneaux. Et j'imagine les béliers aussi, vu que... Alors en bélier, on en a un bélier Lacaune, puisque notre race laitière, ce sont des brebis Lacaune de l'Aveyron, le Roquefort notamment. Et en brebis allaitantes, nous avons des Scottish Blackface, donc c'est une race bien particulière, des brebis avec une tête noire et des grandes cornes, aussi bien les mâles que les femelles. C'est surprenant, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on peut les différencier s'ils ont tous les deux des cornes ? Après, il y a les parties génétiques qui sont visibles chez un mâle. Et puis, bien sûr, les cornes du bélier sont beaucoup plus grandes et plus arrondies qu'une brebis, où elles sont un tout petit peu plus petites et un peu plus fines aussi. Et donc, oui, comme tu le disais, tu as un petit cheptel, j'imagine, par rapport à d'autres bergeries. Ils font beaucoup plus. Hein. Je sais que Jean-Luc Mélenchon parlait beaucoup de la ferme des 1000 vaches, mais il y a peut-être aussi la ferme des 1000 brebis qu'il a oublié de mentionner ou qu'il a mentionné, je sais pas, écouter tous ces discours non plus. Donc toi, tu t'ancres en fait sur le papier, tu es une petite bergerie, c'est ça ? Oui, notre objectif, c'est de rester une petite bergerie, de monter éventuellement à 100 brebis laitières, mais de travailler vraiment sur la diversité de nos services. Et comment ça, diversité de vos services ? Parce que c'est vrai que vous en proposez beaucoup. Voilà, donc on a déjà tout ce qui est transformation laitière, on a tout ce qui est transformation viande, donc ça c'est vraiment pour la partie alimentation, mais après on a l'accueil du public, on a les animations pour les stages troupeaux, donc toutes ces parties-là sont concomitantes, elles permettent de nous faire vivre de façon à ce que lorsqu'il y a une petite baisse d'activité, eh bien, il y a une autre qui reprend le dessus. Tout miser dans un même panier, c'est risqué en fait. En effet, et là vous êtes vraiment dans la variété, mais est-ce que le fait d'être aussi varié, de toucher autant de... d'avoir des pieds un petit peu partout, c'était voulu ou ça s'est fait en fait plutôt naturellement ? C'est voulu. Ça nous permet de partager notre métier et surtout notre passion. Avant d'être un métier, c'est une passion. Donc ça nous permet de nous faire connaître et d'attirer du monde et de les faire découvrir. Et en fin de compte, chaque atelier est une suite logique. Donc ça n'est pas plus de travail ou quelque chose de farfelu. Tout est logique dans ce qu'on fait. Tu as dit que c'est logique et tu as aussi dit que ton travail c'est une passion et je voulais qu'on revienne encore dessus. J'imagine aussi que les journées d'un berger ou d'une bergère c'est aussi très long. C'est très long, on s'adapte au rythme des brebis et on s'adapte au temps. Donc ça c'est vraiment important, d'ailleurs si tu remarques j'ai pas de montre, sans montre. on vit vraiment au rythme des brebis. Donc on ne compte pas les heures, ça c'est vrai. Mais après, c'est une passion, donc c'est complètement différent. Moi qui ai travaillé dans le privé avec les pointeuses et les choses comme ça, ça n'a pas du tout le même rendement. Oui, et évitez de m'appeler à l'antenne, s'il vous plaît. Je ne peux pas décrocher. Voilà, et comme tu le disais, tu es aussi labellisé bio. J'imagine que ça demande aussi, au niveau administratif, c'est fastidieux, non ? Déjà, rien que la certification bio. Oui, alors la certification bio, c'est surtout en fin de compte. C'est-à-dire que moi, je me suis installée en tant que jeune agricultrice en ovin-lait. Et c'est un projet qui paraissait un petit peu farfelu. Dans les Vosges, le lait, brebis, on ne connaît pas, ça ne va pas aller. Donc, il va falloir que tu le mettes en avant par la certification bio. Donc, j'ai suivi ce projet tout en sachant qu'à l'heure actuelle, je suis plus en train de me dire, finalement, je ne valorise pas ce bio. Tout simplement parce que notre personne et notre façon d'être, les gens voient tout de suite qui on est, qui sont nos bêtes, comment on vit. C'est une meilleure communication, une meilleure publicité que la labellisation bio. Et jusque-là, comme tu as dit, apparemment le lait de brebis, ça ne fonctionne pas fort dans les Vosges. Qu'est-ce qu'il en est maintenant que tu es sur le terrain ? Est-ce que ton activité se développe? Est-ce qu'elle est de plus en plus connue? Est-ce que pour le moment tu récoltes les fruits que tu attendais? Alors, pas encore, c'est-à-dire que notre activité se développe. On commence à parler de plus en plus de la bergerie des Chélots. On commence à parler de plus en plus de nos produits. Et notre force, c'est surtout de faire déguster, de faire goûter, le lait qui vient d'être trait, de façon à ce qu'on puisse faire descendre toutes ces barrières et ces a priori en disant que c'est fort en bouche. Donc il y a toute une éducation et tout un cheminement à mettre en place. Et ça porte ses fruits. De plus en plus, les gens sont surpris et reviennent facilement vers nous. Et le bouche à oreille fonctionne de mieux en mieux. Tout en sachant que l'année dernière, j'ai fait le concours du Grand Est au niveau des fromages fermiers et j'ai eu la médaille d'argent. Donc c'est plus que valorisant et j'en suis plus que fière, au bout d'un an de production seulement. En effet, tu peux en être très fière. Après tout, oui, c'est pas rien. Donc là, tu as vraiment récolté les fruits de ton travail. Et bon, j'imagine que tu peux aussi... c'est un gage de qualité aussi. C'est un gage de qualité, absolument. Et tant qu'à faire, on va tout doucement pouvoir parler de ta production. Donc, tu fais bien entendu du fromage, de la viande. Donc, tu fais que de la nourriture au sein de ta bergerie? On fait que de la nourriture au sein de la bergerie. Pas de laine alors? Ah non, c'est pas la même espèce. Alors, hein, la laine, c'est très très difficile de trouver justement une filière qui va traiter la laine, puisque nous, c'est des toutes petites quantités. Donc, on est en train de rechercher justement pour pouvoir valoriser aussi bien en toison que des laines. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une recherche pour pouvoir à ce moment-là aussi valoriser la laine. Et oui, comme je le disais, dans ce cas... Ah bah tiens, on a une auditrice qui fait un coucou, elle s'appelle Zolveig, elle te dit aussi félicitations pour ta médaille d'argent. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des SMS, par contre évitez de m'appeler sur mon portable, là c'est quand même pas une bonne idée de répondre à l'antenne. Surtout que bon, c'est certainement pas pour réagir à l'émission. Donc on en était à la laine. Merci, Zolveig, tu m'as fait perdre le fil. Et aux productions que tu fais, donc tu fais du fromage, tu fais de la viande. Concernant le fromage, est-ce que tu vends aussi du lait de brebis comme ça? On le vend sur commande. Une brebis produit au gros maximum 2 litres de lait. Nous, on est à 1 litre 2 pour une brebis. Donc, c'est pas beaucoup, donc on ne veut pas perdre, on ne veut pas jeter du lait pour rien. Donc lorsque les gens le souhaitent, au contraire, ils nous appellent et ils ont le lait de la traite de la veille. Et dis-moi, forcément, c'est, enfin, entre la vache et la brebis, c'est pas forcément la même espèce. Et je crois que pour certains intolérants au lactose, ils optent plutôt pour du lait de brebis ou du lait de chèvre. Qu'est-ce que ça a aussi comme avantage par rapport au lait de vache? Alors, la différence, le lait de brebis et le lait de chèvre, ce sont deux petits ruminants. Le lait de chèvre, c'est un lait qui est très, très peu riche. Il contient beaucoup d'eau et finalement un petit peu moins de matière grasse. C'est pour ça qu'il est digeste. Le lait de brebis est très riche en matière grasse, mais le gros avantage, c'est que ces molécules de matière grasse, ces lactoses, sont très petits, très fins, et donc ça nous permet à nos enzymes, à nous, de pouvoir les découper, donc de pouvoir les digérer. Donc en fin de compte, le lait de brebis, je l'assimile plus à un lait de vache au niveau du goût, en étant beaucoup plus arrondi et plus onctueux en bouche. Et forcément, hein, même si pour toi tu fais le rapprochement, je ne peux pas le dire, je ne suis pas une grande buveuse de lait, donc lait de brebis, lait de chèvre encore moins, mais forcément vu que c'est un ovin aussi, le fromage est différent. Et qu'est-ce que tu fais comme sorte de fromage? Alors le fromage, on fait des frais, des basiques, des frais qu'on peut aussi bien passer au four que manger comme ça, même au petit déjeuner, parce que c'est tellement doux et tellement, tellement attrayant. J'ai fait une recette à base de myrtille sauvage aussi. On a du demi-affiné forcément puisqu'on a reçu un prix dessus. On fait des demi-secs également. On a comme fromage une pyramide cendrée comme le valencien en chèvre. Donc ça, c'est un ultra frais qui est très très doux. Souvent les gens qui ont un petit peu peur du goût se focalisent sur ce fromage qui est vraiment très très doux en bouche. Et oui, donc ça, ce sont vos différents fromages qu'on peut trouver à tout moment de l'année ou il y a certaines saisons pour certains fromages? Non, à tout moment de l'année. Et vous les fabriquez comment? Est-ce que ce sont des fromages qui ont besoin d'un long temps de préparation, un long temps d'affinage? Ou ce sont plutôt des fromages on va dire entre guillemets rapide à faire, bien entendu après le travail de fromager, parce que oui, t'es bergère et fromagère en plus, ça demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de travail. Alors tout dépend, tout en sachant que le lait est une matière vivante et que je travaille donc avec des bactéries. Les bactéries, elles varient en fonction de la pression atmosphérique, elles varient en fonction des températures extérieures, donc le temps... On ne va pas vraiment parler du temps, on va plutôt parler de la réaction des bactéries en fonction de l'environnement. Donc, je n'ai pas vraiment de timing. J'observe mon lait, je le touche, je le vois et en fonction de mon lait, je peux dire, ça y est, mon caillis il est prêt, je vais pouvoir passer à une autre étape. Ensuite, au niveau de l'affinage, ça dépend. J'ai du parmesan de brebis qui a plus de 4 mois d'affinage, comme j'ai des frais qui ont à peine 48 heures. Donc, ça dépend vraiment du fromage qu'on fait. En effet, ça dépend entièrement. Ça, c'est la partie fromage. Et même si les auditeurs me connaissent, une grande sensible et une grande végétarienne aussi, mais je pense que c'est important aussi de faire un point sur les viandes que tu proposes. Donc, je t'écoute. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'éleveur, on aime nos bêtes. On les élève pour la vie. Et c'est de notre ressort de veiller à ce que les bêtes soient bien accompagnées jusqu'à leur mort. Donc nous, en tant que petits éleveurs, c'est nous qui amenons nos agneaux à l'abattoir, un petit abattoir ici à Dommartin, avec des gens qui sont souriants, qui sont là pour nos bêtes, et donc tout se passe vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment important de le signaler en tant qu'éleveur, de prendre ces responsabilités-là. Tu as entièrement raison de le faire. Merci. Et donc ensuite, une fois que les animaux sont abattus manifestement dans le respect et pas dans le stress, comme L214 montre à travers des vidéos de grands abattoirs, donc là c'est un petit abattoir local qui fait le travail. Donc une fois que le travail est fait, qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce que vous produisez et qu'est-ce que vous vendez par la suite en viande? Alors on peut proposer soit les agneaux carcasses, hein, pour les gens qui veulent carrément faire un méchoui. On peut faire les agneaux caissettes aussi. Sinon on fait transformer par la boucherie d'Aval au Val d'Ajol. Ils nous préparent des merguez, ils nous préparent des saucissons d'agneau, des terrines d'agneau. Donc on essaie vraiment de développer la gamme de façon à ce qu'on puisse retrouver de l'agneau autrement que simplement en viande. On fait également quelque chose qui est rarissime, qui s'appelle le gigot fumé. Donc on peut même l'assimiler à du jambon de Parme qu'on va déguster avec un petit melon frais, par exemple à l'apéritif. Je vois aussi que vous faites aussi des différentes sortes de saucisses, de saucissons, encore une fois à base d'agneau. À base d'agneau, oui. Tout à fait. Et forcément, tu as parlé de méchoui. Ce que tu fais aussi peut s'adresser aussi aux communautés musulmanes qu'il y a dans le secteur. Tout à fait. Donc c'est bien de penser à tout le monde. Hein. Il y a pour les végétariens avec le fromage, il y a pour les musulmans avec l'agneau. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et est-ce qu'il y en a aussi pour les lionnes? Il n'y en a pas trop pour les lionnes, non. Ah, c'est dommage, pourtant c'est elle qu'on va écouter maintenant, un morceau de Yannick Noah intitulé « Vous l'avez compris, les lionnes » qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Porte l'eau, porte la vie. Du ciel à ton chaud, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien. Surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui tu sais les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie. Tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elles le donnent et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. C'est la vie qu'elle ramène. Dans leur seau bien plein, fatiguée mais toujours sereine. De la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau de Yannick Noah, Les Lionnes. Un morceau un petit peu dansant, chantant, qui met dans le mood, vu qu'après tout, on est en plein milieu de l'été. Donc c'est important de se mettre dans une bonne ambiance. Et puis c'est toi, Aurélie, qui a choisi le morceau, vu que je suis toujours avec Aurélie Lepoutre de la Bergerie des Chalots. Et si un auditeur a envie de réagir, comme d'habitude, je l'invite à passer sur notre page Facebook Radio Gémozo en appelant aux 03 29 62 40 40 ou pour les quelques chanceux qui ont mon numéro de portable direct, vous pouvez m'envoyer un SMS comme l'auditrice Zolveig l'a fait à l'instant. Donc vous inquiétez pas, je surveille, hein, tout est ouvert, tout est sous mon œil de faucon, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Et on a parlé de ta bergerie et de ton magasin aussi, et aussi d'à quel point c'est important, en fait, le respect de la bête pour sa fin de vie, pour après la production et la vente de viande. Mais il n'y a pas que l'être humain qui aime bien le mouton. On en entend beaucoup parler. Il s'agit du loup. Et tu es dans l'émission L'Heure des Loups, après tout. Donc dis-moi, toi, en tant que bergère, qu'est-ce que tu penses de la récente je crois que ça fait à peu près 2 ans, la réintroduction du loup dans les Vosges, et est-ce que ça a une répercussion sur ta bergerie à toi ? Alors, sur la bergerie, je pense que oui. L'année dernière, nos brebis ont eu un comportement fort étrange, vraiment déstabilisé, à partir partout et vraiment à fuir. Et pendant 2 jours, elles ne voulaient plus sortir. Donc, je pense qu'elles ont ressenti le loup, qui ne devait pas être très très loin. Maintenant, le problème du loup, on parle souvent des éleveurs en les montrant du doigt, en disant « oui, mais bon, le loup, il a sa place ». Pour moi, la question ne vient pas des éleveurs ou du loup, pour moi, la question vient de la société. Est-ce que la société est prête à laisser de la place au loup ? À force de construire des infrastructures, des routes nouvelles, des hôtels, des zones artisanales ou autres, on diminue de l'espace vital pour le loup qui n'a plus de place suffisante pour pouvoir se déplacer et y vivre. Donc est-ce que la société est réellement prête à la réintroduction du loup ? Et tu abordes en effet un angle tout à fait... c'est pas nouveau, du moins moi je l'avais pas, du moins nouveau peut-être à l'antenne, mais c'est vrai que je te rejoins, en fait. Je pense que c'est ni la faute du loup, ni la faute des bergers. Après tout, le loup mange aussi ce qu'il trouve, hein. C'est le cas aussi dans la forêt amazonienne, avec tous les animaux qui sont chassés à cause de la déforestation et qui finissent par empiéter sur les territoires des êtres humains ou aussi... si l'auditeur numéro 1 écoute, il peut peut-être me dire de quelle région des États-Unis il s'agit, où il y a des alligators qui déboulent dans les jardins et les maisons. Donc voilà, encore une fois, si on empiète trop sur le territoire des animaux, des espèces sauvages, voilà, elles n'ont plus de place et puis elles vont là où elles peuvent, quoi. Donc merci beaucoup aussi de ton honnêteté. C'est merci. Aussi faire preuve de beaucoup de recul, je pense, et de beaucoup de réflexion sur la question Parce que, bon, on entend beaucoup, certains, presque à la caricature des inconnus. C'est vrai. Là, au moins, j'ai un autre regard, encore une fois, très, très posé, très ouvert, très calme. Après, tout est très dans l'ouverture, comme tu disais, t'es bête, encore une fois. Tu les mènes dans une fin de vie vraiment respectueuse. Et c'est très important de le souligner, parce que tu as l'air d'être vraiment dans le respect de la nature, des autres espèces vivantes, de l'environnement en général, en fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et s'il y a autre chose dont on n'a pas trop parlé, je vois l'heure qui tourne, oulala, on papote. Après, c'est le principe de l'émission. On n'a pas vraiment trop parlé de tes stages troupeaux qu'on peut trouver sur ton site, que je rappellerai en fin d'émission, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, les stages troupeaux, c'est des stages pour l'initiation, voire la découverte, lorsque un particulier a un chien de berger, que ce soit un Australien, un Kelpie, un berger allemand, un border collie. Il y a tellement de races, il y a du bosson, il y a du berger de brie, il y a énormément de races de chiens de troupeaux qu'on a tendance à oublier. Et donc, nous, par le biais de notre passion, on aimerait justement faire découvrir à ces propriétaires de chiens l'aptitude de leur chien au naturel, tout en sachant qu'on n'est pas en train de vouloir bordériser tous les chiens de races différentes. Chaque race a sa méthode de travail, a son approche, donc on s'adapte totalement à la race et également et surtout au maître. Et après, en fait, ces stages, ils vont servir à quoi ? Juste à montrer, c'est comme une espèce de votre chien un incroyable talent, ou ça va après pour certains servir à certaines vertus pour ceux qui veulent peut-être se lancer aussi dans l'élevage? Alors, on a plusieurs catégories de clients. On a effectivement des agriculteurs qui eux-mêmes ont des chiens, des jeunes chiens, et qui veulent déclencher au troupeau, qui ont un problème de comportement, donc ils viennent nous voir. Donc ça, c'est une clientèle bien particulière. Sinon, on a différentes catégories de personnes. Des personnes qui viennent parce que la bergerie est située dans un cadre fantastique, hors du temps. Donc c'est des gens qui sont en ville, qui sont oppressés par le temps et qui aiment venir à la bergerie, faire une activité avec leurs chiens et pouvoir passer du bon temps avec les bergers, souvent à leur table. On a d'autres gens qui viennent pour la première fois, donc c'est vraiment une initiation, découvrir ce qu'est leur chien, leur positionnement par rapport à leur chien aussi. On appelle même ça parfois de la moutonthérapie. On va te dire qui tu es pour mieux comprendre et comment tu vis. Et on a des gens qui, du coup, commencent à avoir le filon, commencent à avoir cette petite passion qui les gagne, et on peut les amener justement à obtenir un certificat d'aptitude à la conduite du chien de troupeau, de façon à ce qu'ils puissent commencer eux-mêmes les concours de chien de troupeau. Ah oui, parce qu'il y a encore, tu as parlé d'agility en début d'émission, donc il y a aussi des concours à ce niveau-là. Et tiens, tant que j'y pense, j'ai un autre message d'une autre auditrice, dis donc, ça ne s'arrête pas ce soir. Il s'agit de Valérie Sanchez qui a écrit « Je conseille vivement une petite visite à la bergerie. C'est un petit paradis sur terre où vous serez reçus les bras ouverts par un couple adorable. Leur produit s'est à tomber par terre et le cadre est somptueux. » Merci beaucoup Valérie pour ton message. Merci Valérie. Et voilà, comme promis, hein, c'est transmis. Si vous envoyez des petites choses à ce qu'on transmette à l'antenne, c'est sans aucun problème. Hein. Merci beaucoup pour vos réactions, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, on en revient à nos moutons. C'est un boom. Hein. On en revient à nos... On reprend le fil. On va peut-être changer d'expression. Hein. Là où tu as parlé des stages pour les troupeaux qui sont ouverts à tous. Et s'il y a autre chose qui, encore une fois, est ouvert à tous, c'est ta bergerie qu'on peut aussi visiter. Alors plutôt en fin d'après-midi, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est ouvert tous les soirs vers les 17h30 au moment de la traite. Donc on accompagne les gens. Enfin, les gens nous accompagnent plutôt pour aller chercher les brebis en pâture, de façon à voir notre travail dans le quotidien, voir le chien, l'utilité du chien. Il faut comprendre que le chien dans une bergerie, c'est l'équivalent de 3 personnes qui travailleraient. Donc c'est vraiment une utilité très très importante pour nous. Donc les gens, quand ils arrivent à 17h30, on les accueille, on part chercher tous ensemble les brebis pour la traite. Ensuite, ils peuvent participer à la traite. C'est un libre échange, beaucoup de questions. On parle aussi bien du loup que des maladies, que des soins ou des brebis en elles-mêmes. Et souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Souvent, on nous dit, j'ai une question bête. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, il faut oser poser les questions. On est là pour ça. Donc, c'est vraiment un moment de libre échange, de partage. Et comme dit, après, on peut procéder, lorsqu'il y a des biberons à donner, chacun peut donner le biberon aux agneaux aussi, par exemple. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que tu as parlé du chien. Ce sera peut-être la dernière fois dans l'émission où on parlera vraiment dessus. Mais tu as dit qu'un chien au sein d'une bergerie fait quand même le travail de 3 êtres humains. Le lien, j'imagine, entre le berger et son chien est important. Il est très très important. C'est un collègue, c'est un ami, c'est un confident. C'est voilà, on en a besoin au quotidien. Il nous comprend, on le comprend. Des fois, sans même parler, il sait exactement ce qu'il doit faire, où il doit aller. Mais bien sûr, il y a aussi des moments où il y a des petits coups de gueule. Ça reste un être vivant comme un autre. Tout à fait. Avec, oui, un être vivant avec sa volonté propre et ses goûts. Hein. Je rappelle encore une fois, on a beau être en été, un animal adopté ne se laisse pas après sur le bord d'une route. Très bien. C'est, comme tu disais, hein, c'est un confident, c'est un ami, c'est un membre à part entière de la vie, oui, qu'on partage avec. Et qui a aussi son caractère, qui a sa vie, bien entendu. Ce n'est pas un joujou, c'est important de le rappeler. Et c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne de jour presque comme de nuit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous ne nous verrez jamais, nous, en tant que berger, on a toujours un chien. Donc là, c'est exceptionnel que je n'ai pas mon chien. Hier, j'ai fait un marché, j'avais Mamoun avec moi. Mon chien est toujours là, sans que je m'en occupe pour autant, sans que, voilà. Le chien voit, aujourd'hui, tu es en difficulté, j'arrive. Tu n'as pas besoin de moi, écoute, je m'éloigne un petit peu et je vais qu'à mes occupations. C'est une vraie osmose en fait que tu as avec ton chien, comme tu disais aussi, au sein des marchés qu'on va aborder juste après la pause musicale suivante, un morceau de M83, Midnight City, vu que je suis en plein dans ma période à Lyon. On s'écoute ce morceau qui semble te plaire aussi, donc Midnight City de M83, et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Oh, Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Midnight City de l'artiste M83. Et vous êtes toujours dans l'émission L'Heure des Loups, toujours avec Aurélie de la bergerie des Chalots. On a parlé de beaucoup de choses concernant ta bergerie et on a même eu un adorable retour sur une personne qui connaît visiblement ton activité. Et si quelqu'un a aussi envie de continuer à témoigner, vous pouvez sans aucun problème nous envoyer un message sur la page Facebook Radio Gemozo ou à appeler au 03 29 62 40 40 ou pour certains m'envoyer des SMS, celui-là je le donnerai pas à l'antenne, mais c'est vrai qu'on a pas non plus trop parlé, et d'ailleurs ça va vu qu'on a encore un tout petit peu le temps, on n'a pas trop parlé des différents marchés auxquels tu participes en ce moment ou même depuis l'ouverture de ta bergerie. Alors au niveau des marchés, on fait le marché du Girmont-Val d'Ajol tous les vendredis soirs de juillet et août. C'est un marché qui est très très connu, qui a plus de 25 ans d'ancienneté et il y a une ambiance fantastique. Chaque vendredi, il y a un thème différent qui est abordé, avec une belle ambiance, que des produits locaux, des gens qui ont envie de vous fournir avec de bonnes choses, bien d'ici, bien du terroir. Donc ça, c'est un très très beau marché qu'il faut sans hésiter venir. Un petit village de 240 habitants qui arrive à déplacer jusqu'à 2000 personnes en une soirée, c'est vraiment impressionnant. Donc surtout, si vous n'y avez jamais encore été, venez nous voir, ça vaut le coup, ça vaut le détour. On a aussi le marché de Plombières-les-Bains, un petit village qui est fort, fort joli et qu'on a vraiment envie de soutenir parce que c'est important. Les marchés font vivre les villages, donc c'est vraiment important, même si effectivement ça n'est pas fructueux pour nous, mais c'est important de rester cohérent et proche des petites villes comme ça. On a un petit marché qu'on fait actuellement pendant les vacances sur le camping Verte Vallée à Xonrupt. Là aussi, c'est très intéressant. Le cadre est joli, fantastique. C'est les vacances. Et donc, on est quelques petits producteurs locaux à présenter nos produits le soir de 17h à 20h. Les mardis soirs, si je ne m'abuse. Tout à fait, les mardis soirs. Et pour Plombières, c'est un rendez-vous aussi hebdomadaire ? C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matins. Ah voilà, tous les vendredis. Donc les vendredis matins, t'es à Plombières, les vendredis soirs, t'es au Girmont-Val d'Ajol, et les mardis soirs, tu es à Axon rue Longemer. Tout à fait. Comme ça, je me le note et je le répéterai bien entendu en fin d'émission. Et d'ailleurs, dis-moi, quand j'ai un petit peu surfé sur ton site, qui sera bien entendu notifié dans le podcast de l'émission et que je donnerai aussi avant de rendre l'antenne, parmi les différentes choses que tu fais, on parlera juste après de ton actualité et tes projets, mais je crois qu'il y a un onglet hébergement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais de l'hébergement aussi ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour nos stages chiens de troupeau, on a des personnes qui viennent de loin, que ça peut être Lyon, Paris, Belgique, Luxembourg, donc des personnes qui viennent vraiment de très très loin, et donc on propose des sites et des hébergements différents autour de la bergerie à quelques kilomètres. Donc en fait tu fais en quelque sorte un partenariat avec d'autres structures locales. Tout à fait, la bergerie c'est un acteur important du secteur, aussi bien pour l'abattoir, ça fait vivre l'abattoir, ça fait vivre des restaurateurs, on fait de l'hébergement, on fait connaître l'hébergement, on fait venir du monde pour les stages chiens de troupeau et découvrir le Girmont-Val d'Ajol et les Vosges, donc c'est très important. Et tant que j'y pense, vu que maintenant tu l'as un petit peu abordé, donc je peux te poser directement la question, est-ce que tu fais aussi certains partenariats, sans compter l'abattoir de Dommartin, parce que ça c'est plutôt évident, mais est-ce que tu as des partenariats avec d'autres structures ? Si je me souviens aussi, l'Office du tourisme de Luxeuil avec Plombières-les-Bains aussi. Voilà, Plombières-les-Bains, Luxeuil-les-Bains. On travaille aussi avec le magasin de producteurs de Remiremont. Ah oui. Donc ça, c'est un très très beau projet qui lie aussi bien les producteurs locaux que des personnes qui ont besoin d'une réinsertion sociale. Donc c'est un beau projet, un beau partenariat aussi. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une émission avec le président Huglen, je crois, de l'association Gassi sur le magasin. Je suis en train de vous chercher l'émission qui est bien entendu toujours en podcast sur Facebook, mais j'essaie de vous trouver la date. Donc c'était le 14 mars. Donc si vous voulez en savoir plus à nouveau sur le magasin d'Agassi, à qui on fait un petit coucou, je vous renvoie sur... allez fouiller sur Facebook, elle sera toujours. Donc c'est l'émission du 14 mars, voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres structures encore avec lesquelles tu travailles ? Non, actuellement pas. Mais c'est déjà pas mal, c'est j'imagine. Déjà pas mal. En effet, ça te permet de te faire connaître, de travailler avec plusieurs. Et en fait, j'imagine que c'est aussi un échange donnant-donnant, bien entendu. Tout à fait. Mon objectif étant de créer une plateforme de façon à ce que les gens qui habitent sur Nancy, sur Metz ou Strasbourg, qui sont venus à la bergerie, qui ont goûté à nos produits pendant les vacances ou les stages chiens-troupeaux, qui puissent tout de même recommander nos produits sans avoir à se déplacer de chez eux. Ça, c'est vraiment un des projets les plus imminents que je vais mettre en place. Comme tu as dit que c'est un des projets les plus imminents que tu as en place, j'imagine que tu en as peut-être d'autres, des projets ? Oui, j'ai un projet certainement en septembre de faire venir un intervenant à la bergerie, un ostéopathe qui va pouvoir nous transmettre des savoir-faire sur les huiles essentielles et les maladies, aussi bien chez les hommes que chez les animaux et les manipulations à faire. Oui, parce que tu le disais aussi que tu touchais un tout petit peu à la naturopathie, vu que tu restes encore dans une optique très naturelle, très zen, très... très naturelle en fait, j'ai dit le bon mot dès le début. Vu qu'il y a, oui, les projets d'un côté, est-ce que tu as certaines actualités aussi à transmettre à nos auditeurs pour l'instant ? Non, là pour l'instant, non, rien de spécial. Pour l'instant, tout va bien, tout va les bien. Projets continuent, vous continuez bien entendu. La dernière question, je pense qu'on n'aura plus trop le temps. C'est plus vraiment le sujet de parler de l'État et de la reconnaissance ou de la reconnaissance. Si, on peut quand même en reparler un petit peu, la reconnaissance au sein du milieu, parce que c'est vrai que là, tu m'as montré que vous êtes bel et bien implanté, mais c'est vrai que l'agriculture, le monde agricole, c'est techniquement un monde qu'on se transmet de génération en génération. Là, c'est pas le cas pour vous. Est-ce que vous avez été assez bien intégré ou pas dans ce monde agricole pastoral? Alors honnêtement, en tant que femme, on n'est pas considérée, et en tant que hors cadre familial, c'est pareil. Donc on a beaucoup les portes qui se ferment. Donc à nous nous débrouiller pour se développer autrement que par le système classique et agricole. Mais jusque-là, tu as prouvé que tu te débrouilles très bien sans l'aide de ce monde-là. C'est vrai, mais c'est très très dur tout de même. J'imagine, je comprends, et on vous soutient, bien beaucoup. Entendu, de la part de Radio Guémozo tout entier. On est derrière vous, et de toute façon, si jamais il faut revenir pour vous présenter à nouveau, ou pour faire à nouveau découvrir vos produits ou même votre savoir-faire, puisqu'après tout vous en avez du savoir-faire tant sur l'agriculture que sur les chiens de troupeau, hein. C'est toujours possible, après tout c'est dans les valeurs de la radio. Merci. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur vous, bien entendu, je vais peut-être déjà donner la page Facebook et le site internet, parce que vous avez une page Facebook, c'est Bergerie des Chalots tout simplement, qui sera taguée avec le podcast de l'émission qui sera mise ce soir même, ou sinon vous avez un site aussi www.bergeriedeschalots.fr, tout collé, échalot, C-H-A-L-O-T-S. Tout à fait. Je ne me suis pas trompée. Non. Est-ce que tu veux qu'on donne des adresses mail ou des numéros de téléphone, ou ça suffit déjà Facebook et Internet ? Les numéros de téléphone, il n'y a pas de souci, même s'ils peuvent les retrouver aussi bien sur le site de la bergerie que sur Facebook. Mais les téléphones sont celui de Christophe Portelette, le 06 81 79 49 16, ou le mien, Aurélie Lepoutre, 06 32 28 02 08. Donc ça c'est pour les différents numéros, et je pense qu'on a quasiment fait le tour de ce qu'il y a à se dire, et en effet, d'ailleurs qu'est-ce que j'entends, ça y est c'est le générique. Donc avant de se dire au revoir, les auditeurs ont l'habitude, ça va être la programmation de la soirée. Donc la prochaine émission c'est la rediffusion de Mosaïque avec François, et pas de bulle pour l'IA ce midi, d'après ce que j'ai compris. En même temps c'est bientôt les vacances, donc il faut la comprendre aussi. Et prochaine émission, c'est rediffusion de ce que vous venez d'écouter à l'instant, demain matin 7h-8h. Et pour les petits curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo, avec, comme je le disais, ta page qui sera taguée pour ceux qui veulent trouver ta page Facebook rapidement. Ou sinon, sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique l'heure des loups, avec, encore une fois, cette fois, ce sera ton site internet qui sera tagué juste en dessous du podcast de l'émission. Enfin voilà, merci beaucoup les Vosges, merci beaucoup l'Alsace de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Et d'ailleurs, peut-être si c'était avec toi, même la Haute-Saône qui nous a écoutés, tout qui sait. Fait. Donc merci aussi la Watson pour votre attention et merci beaucoup Aurélie pour ton temps et pour m'avoir transmis en fait ton savoir-faire en une heure. C'était pas forcément évident, mais t'as quand même pu brosser un portrait assez large de ta bergerie, de ton travail, en espérant que en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai quand même beaucoup mieux compris en ce qu'il s'agit de ton travail, et j'imagine que c'est le cas aussi des auditeurs. Merci beaucoup de ton accueil. Et dans ce cas, je remercie encore une fois, comme j'ai l'habitude de le faire, les auditeurs de leur attention. Hein. On se retrouve demain soir, 18h-19h, pardon, de bonne humeur. Et demain soir, je reçois personne. J'ai Aurélie qui est venue faire une émission pour parler de son bar à Charmois-l'Orgueilleux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce bar qui diversifie les activités, je vous invite à écouter demain soir, hein, 18-19, de bonne humeur. Mais je vous retiens pas plus longtemps. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, bonne soirée à vous.